Ça y est, par Chrome, nous arrivons à l'âge sumérien. Et Conan te remercie, Frédéric, et toute l'équipe de Culture Sauvage vous souhaite une âpre expédition. En tant que porte-parole des reptiles victimes de discrimination, je m'insurge contre l'image que vous avez une nouvelle fois donnée des serpents dans votre émission sur Conan le Barbare. Ils vivent déjà très mal d'être stigmatisés comme des êtres fourbes, responsables de la perte du paradis terrestre, et voilà que vous en faites des objets phalliques qui durciraient dans les mains avant de devenir des flèches. Non, vraiment, stop à la stigmatisation. Hé, hey, Frédéric, tu parles de Tolkien, tu parles de Conan le Barbare, mais Robin Hobb, quoi, l'assassin royal, quoi, l'épopée héroïque fantasy de base, c'est quand que t'en parles? Bonne journée. Mon employeur est pas très très content, parce qu'en fait, tous les ans, quand Blockbuster reprend, je me retrouve à avoir envie de lire tous les livres dont vous parlez, de voir tous les films dont vous parlez, et j'arrête de bosser pendant tous les mois où vous travaillez. Ouais, bonjour. Alors comme ça, vous vous attaquez à la série Malcolm ce soir? Eh ben, vous avez pas peur, hein. Parce que si vous dites la moindre chose sur eux, ils vont venir vous faire tout ce qu'ils ont fait dans la série, comme trace inimaginable. Vous avez du courage quand même, hein. Bon, allez, je vous fais des bisous, à plus. To be or not to be, not to be. Je suis fils unique. J'ai jamais su si mes parents étaient suffisamment satisfaits du résultat pour ne pas remettre le machin sur l'établi, comme on dit, ou s'ils ont eu peur de faire pire. Un peu comme le jeu des 1000 euros quand Nicolas Stoufflet dit au candidat « Vous pouvez vous arrêter là ?» Toujours est-il que quand tu grandis tout seul, eh ben t'as rien à partager. Tout est pour toi. Moi, j'ai appris la signification du mot « partage » en regardant des vidéos YouTube. Par contre, j'ai deux enfants à la maison et eux, ils sont dans une dynamique totalement différente. Tout, absolument tout, doit être divisé en deux. Oui, elle est inverse de jus d'orange, c'est plus que moi. Oui, bah lui, il a eu 2 minutes de plus d'écran que moi parce que monsieur cherchait un point de sauvegarde. Des fois, j'ai l'impression d'être un inspecteur de l'ONU qui essaie de résoudre le conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai, dans une fratrie, il y a quelque chose de profondément injuste. Déjà parce que les enfants d'une fratrie n'ont pas les mêmes parents. Le premier enfant, il a des parents tout jeunes, tout frais, mais qui n'ont strictement aucune idée de comment ça marche. Donc tout va être dans l'excès. Les jeunes parents, c'est Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives. Le deuxième, ça n'a rien à voir. Il tombe sur des parents déjà usés. On lui refile les restes de la veille. En plus, toutes les prouesses qu'il va avoir l'impression de réaliser, le premier les a déjà, lui, réalisées. Les parents regardent leur deuxième enfant comme une critique regarde une rentrée littéraire. Ouais, déjà vu. Jusqu'aux vêtements, le deuxième enfant, c'est pas une armoire qu'il a, c'est une friperie. Des t-shirts un peu usés, un chouïa trop grand avec un dinosaure qui commence à disparaître sur le devant. Le seul avantage à être un deuxième, c'est les interdits. Le premier enfant, il grandit dans les années 50. Le deuxième, c'est mai 68. Oh, tu veux voir Alien avec ton frère? T'as 6 ans? Bon, c'est bon, ça passe. Et le troisième enfant, je vous en parle même pas. Lui, il grandit dans Mad Max. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de ressources, plus de gouvernement. Une famille nombreuse, c'est l'anarchie. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Voici la Terre. Environ 315 millions de kilomètres carrés. Même en parcourant 150 km carrés à chaque heure qu'il me reste à vivre, je n'en verrai pas la moitié. Ça, c'est la narine gauche de mon frère, Grise. Et elle siffle toute la nuit. Ça, ce sont les pieds gelés de mon petit frère, Douy. Lui, c'est mon grand frère, Francis. C'est celui-là que je préfère. Alors bien sûr, on l'a envoyé dans une école militaire. Moi, je m'appelle Malcolm. Vous savez, ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Bien qu'elle soit apparue sur Série Club début 2001, c'est sur la chaîne M6 que le grand public découvre la série Malcolm. Alors comme de nombreux sitcoms, cette série présente en une vingtaine de minutes les tribulations d'une famille d'Américains moyens. L'originalité de cette série est que Malcolm est un enfant surdoué qui casse régulièrement le quatrième mur pour s'adresser directement au spectateur. À cela s'ajoute un casting incroyable avec un sens du timing comique impeccable et une écriture au cordeau qui vont transformer au fur et à mesure les rediffusions de cette série en véritable objet de culte de la part de certains spectateurs. Pour revenir sur cet ovni télévisuel qui précédait les plateformes de streaming et rappelait qu'il fut un temps où on pouvait tous voir la même chose au même moment, j'ai avec moi Romain Nigita. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste spécialiste des séries que l'on peut notamment lire dans l'excellente revue Mad Movies consacrée au cinéma et séries de genre. Tout à fait. Avec nous également un revenant, mais en même temps les auditeurs le connaissent bien, Benoît Lagane, bonjour. Salut Frédéric. Vous êtes journaliste spécialiste des séries et chroniqueur dans l'excellente émission Une heure en série de Xavier Le Harper tous les samedis à 20h sur France Inter. C'est ça. On est corporate. Hein. Avec nous également Pablo Mira. On est corporate, donc jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout du bout. Donc je le rappelle, vous êtes humoriste et chroniqueur sur France Inter et dans l'émission Quotidien sur TMC. Vous jouerez votre spectacle Pablo Mira dit des choses contre l'argent au Trianon le mercredi 4 et le jeudi 5 novembre et serait en tournée en France à partir du 10 septembre prochain. Et j'ai peur de parler de Malcolm. Ça va aller, ça va, tout va bien se passer. Et tout à l'heure, nous aurons au téléphone Juliette Guillot, doctorante en art et histoire de l'art, auteure d'une thèse à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux sur la représentation de la famille dans les séries télévisées américaines et contemporaines. Également avec nous, tout à l'heure, Ali Rebéi, producteur et animateur de l'émission Grand Bien Vous Fasse, qui fera son retour à la rentrée chaque matin sur France Inter, décidément on a décidé de tous les faire, et qui est un grand fan de la série Malcolm. Ensemble, on reviendra sur la genèse de cette série, on essaiera de comprendre ce qu'elle a de si particulier pour avoir un tel succès d'estime aujourd'hui. On parlera de ce casting formidable, et particulièrement de Bryan Cranston, qui a réussi à devenir culte avec deux séries pourtant très différentes. On évoquera la représentation des familles en série, et surtout des familles de la classe ouvrière. On se posera la question de savoir, est-ce que c'est si simple de faire rire avec des gens qui galèrent ? Blockbuster 5e saison. Oui, je sais, pour vous, il n'y en a que 4, mais je vous rappelle qu'on avait sauté la 3 parce qu'elle est souvent décevante. Eh bien, c'est parti. C'est pas équitable. Mais Siri, c'est complètement équitable. J'ai vachement faim, moi. On fait comme je dis, d'accord ? Ça va refroidir. Tu veux un partage équitable, oui ou non ? T'en as plus que moi. Non, c'est faux. On a tous les deux 72 cm, 5 de frites. J'en ai 2 de 10 cm, 5 de 7,5 et 3 de 5. T'en as 5 de 12,5 et 1 de 10. C'est parfaitement équitable. Doui ! Bon, on va dire qu'elle était sur le tas des frites de 10 cm. Alors 117 moins 3 multiplié par 29 et divisé par moins 3. Ça fait un croc de 2 cm chacun là-dessus. La semaine dernière, on a eu des patates sautées. Ça nous a pris plus de 3 heures. Romain Nigita. Oui, Frédéric. Est-ce qu'on peut revenir sur la création de Malcolm, la genèse de cette série ? Eh bien, on peut. La personne qui est au centre de cette série, c'est un scénariste qui s'appelle Linwood Boomer, qui avant d'être scénariste était acteur. Il a joué notamment dans La Petite Maison dans la Prairie, comme quoi personne n'est parfait. Oh, attention ! Benoît Lagarde à côté de vous. Et en fait, après cette expérience d'acteur, il est devenu scénariste principalement sur les comédies. Il a notamment travaillé sur Troisième Planète après le Soleil, l'excellente comédie avec John Lithgow. Et en fait, il explique lui-même que quand il discutait avec les autres scénaristes de la série, il parlait de son enfance. Il avait visiblement vécu une enfance un peu perturbée. Il racontait plein d'anecdotes et ses collègues scénaristes n'arrêtaient pas de lui dire « Bah écoute, tu devrais écrire ça, tu devrais en faire une série. » « Ah bon, tu crois ?» Et puis finalement, il s'y met et ça donne Malcolm, qui est inspiré de sa propre enfance, un peu comme Matt Groening l'a fait avec les Simpsons. Et ce qui est assez intéressant avec Malcolm, et je pense que c'est pour ça qu'elle a marqué, c'est qu'en fait, quand elle débarque à l'antenne aux États-Unis, c'est début 2000, c'est en janvier 2000. Et en fait, on est un peu à l'intersection entre deux grandes époques des séries. On a l'époque des années 90, avec des séries comme X-Files, comme Urgence, comme NYPD Blues, et du côté des comédies, on a Friends, Seinfeld, Will & Grace. Et à partir du début des années 2000, on a les grandes chaînes américaines hertziennes, puisque Malcolm est diffusé sur Fox, qui est l'un des networks américains, donc les chaînes hertziennes, qui voient que sur le câble, il commence à se passer des choses. Sur le câble arrivent des séries comme Les Sopranos, Sex and the City, et c'est là que les chaînes américaines disent « Ok, faut tenter des trucs ». Et c'est un peu ce qui s'est passé sur la chaîne Fox, ils avaient un nouveau président à ce moment-là, ils avaient des séries un peu vieillissantes, des séries comme X-Files, des Simpsons, etc. Et ils se sont dit « Ok, faut tenter des trucs ». Et c'est à partir de là que va s'ouvrir une nouvelle époque, l'époque des 24 heures chrono, des Desperate Housewives, Lost, etc. Et en fait, la grande nouveauté de Malcolm, c'est que ça importe sur les chaînes hertziennes la réalisation des comédies du câble. Parce que jusqu'à ce moment-là, les grandes comédies qu'on connaît sur les chaînes hertziennes, donc les Friends et Seinfeld, c'est des comédies tournées en public. Avec les fameux rires enregistrés qu'on entend, en fait, c'est pas du tout des faux rires dans la VO, c'est le public qui est dans le studio à ce moment-là. C'est tourné comme une pièce de théâtre. Et en fait, les comédies du câble, comme par exemple Dream On, sont des séries tournées comme des séries dramatiques, donc avec une seule caméra, sans public, et c'est ce que va faire Malcolm. C'est pour ça que Malcolm paraît complètement différent à l'époque, et qu'elle a un rythme particulier, une mise en scène un peu cartoon, c'est que justement, c'est tourné comme une série dramatique, et ça tranche complètement par rapport à ce qu'on avait avant. Benoît Lagane, alors on l'a dit, Linwood Boomer vient de La Petite Maison dans la Prairie. Oui, Adam Kendall. C'est un contrat, on ne peut pas parler de La Petite Maison dans la Prairie sans inviter celui qui est ceinture noire de Petite Maison dans la Prairie. Oui. Donc parlez-nous de cet acteur, du mari, de Marie. Oui. Yves Desbuches. Voilà. Ah non, non, mais voilà, Adam Kendall, enfin, le mari aveugle de Marie. Oui. C'est... Non, il a les yeux qui brillent quand il parle de cette série, non, c'est fou. Mais ce qui est assez intéressant, parce que je trouve assez intéressant, c'est que ce soit lui au final qui soit à l'œuvre au point de départ de Malcolm, c'est que en réalité, la mécanique de la création de Malcolm est la même que celle que va avoir Michael Landon avec La Petite Maison dans la Prairie. C'est que tous les deux ont des familles, des souvenirs de famille un peu douloureux. Dans le cas de Michael Landon, il veut faire du coup la famille idéale à la télévision, ouais, parce qu'il a souffert de la violence de sa propre mère, voilà, d'un père complètement absent. Et Adam, j'allais l'appeler Adam Kendall, mais bon, Linwood Boomer, c'est la même chose, sauf que lui, il arrive bien plus tard, il a cette expérience, comme disait Romain, dans la comédie, donc il peut se permettre d'aller, de pousser le curseur dans la comédie et de caricaturer ses propres parents. Mais dans les deux cas, il y a toujours cette même tendresse et de la même manière. Et je pense qu'il a appris ça de Michael Landon, qui aussi, dans la façon de travailler avec les jeunes, les gamins. Michael Landon avait vraiment une façon de travailler avec les gamins sur les plateaux que Linwood Boomer a reproduit. Et donc du coup, il y a vraiment finalement une filiation au-delà du fait que les deux séries en France sont passées sur M6. Et il a parlé un peu de sa filiation avec les Simpsons, tout simplement, parce que quand même, il y a des grands traits communs dans les deux séries. On a l'impression, évidemment, moi, quand je revois un épisode de Malcolm, j'ai l'impression que c'est les Simpsons en live, avec le père immature, irresponsable. Lisa, c'est Malcolm. Lisa, c'est Malcolm, donc je vois beaucoup de similitudes, au fait. Je crois qu'il en a pas tellement parlé, parce qu'il savait que c'était un peu sensible. Alors, c'était sur la même chaîne, c'était même diffusé juste derrière. Ouais. C'est-à-dire que quand Malcolm a été lancé, c'était diffusé entre les Simpsons et X-Files. Donc, comme la soirée de rêve pour lancer une série. Je crois que le premier épisode a fait 23 millions de téléspectateurs, ce qui était absolument faramineux à l'époque. Ça fait beaucoup moins, malheureusement, à la fin. Je crois qu'il était un petit peu gêné quand on lui en parlait, parce que l'affiliation est évidente. Mais il y a d'autres séries qui passaient aussi sur la Fox, qui sont un peu les ancêtres de Malcolm. La plus évidente et celle qui a vraiment tranché, qui était lancée à l'époque les Simpsons, c'est Marié deux enfants, ouais, évidemment, Al Bundy, qui là pour de bon était beaucoup plus satirique et beaucoup plus méchante que l'était Malcolm. C'est vrai que dans Malcolm, il y a un truc, comme le disait très justement mon collègue, qui est beaucoup plus tendre. On a une tendresse dans cette série que on n'avait pas du tout dans Marié deux enfants, qui reste un truc. À force, elle est méchante, Marié deux enfants. Alors, j'aimerais poser une question à celui qui nous a rejoint à l'antenne, Ali Rebéi. Bonjour Ali. Bonjour Fred, ça va ? Mais très très bien, très très bien. Je vais bien. Je n'ai pas de conseils de développement personnel aujourd'hui à recevoir. Je vais bien. Christophe André n'a pas besoin d'intervenir sur mon cas. Mes chakras sont tout ouverts. Vous êtes pour développement personnel. Mais je vous écoute. Vous m'avez fait beaucoup de bien durant ce confinement. Alors, parlez-moi de votre rapport à Malcolm. Et qu'est-ce qui a fait que quand vous avez découvert cette série, vous vous êtes dit tiens, je suis en face d'une série spéciale, singulière. Moi, j'ai découvert la série très tardivement. Je l'ai découverte dans les années 2010, donc très tardivement. J'étais déjà un cadre bien tapé. Ce que j'adore dans Malcolm, c'est d'abord la dinguerie, la folie. Bon, évidemment, vos invités vont le dire très certainement, c'est la critique sociale de l'Amérique bouchienne qui est absolument formidable. Oui, mais ils le diront moins bien. Donc on va rendre l'antenne, en fait, voilà. Ce que j'aime dans cette série, franchement, c'est le cast. Vous l'avez dit en introduction, Frédéric, c'est le cast absolument dingue. C'est la vis comica de Hal, interprété par Bryan Cranston, qui est absolument extraordinaire. Incroyable. Il y a Loïs. Alors Loïs est apparemment le personnage le moins aimable, mais Loïs, elle se rebelle contre la charge mentale. Vous imaginez, elle a cinq gosses, plus son mari qui est un sixième gosse absolument immature. Et sa violence, moi, sa tyrannie, pour moi, je l'analyse comme une réponse à la charge mentale qu'elle subit. Et puis, elle est aussi l'incarnation de la justice. Elle se bat avec ses maigres moyens dans une Amérique fondamentalement injuste. Et puis bon, moi j'ai une préférence aussi pour Dewey aussi. Ah évidemment, le philosophe de la famille. Qui est le deuxième surdoué de la famille, qui est interprété magistralement. J'ai oublié le nom de ce comédien qui est absolument génial. Comment s'appelle-t-il déjà ? Alors c'est celui qui joue Dewey, je vais vous dire. Eric Persullivan. C'est voilà. Attendez, je crois que Romain Nigita. Eric Persullivan. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'avais sur le bout de la langue. Et surtout le doublage, parce que Vous parlerez certainement du doublage absolument génial de Dewey. Enfin voilà, moi j'aime. Je suis en train de chercher son nom justement là-bas. Yann Perrou. Yann Perrou, le voilà. Doubleur de Dewey, c'est Yann Perrou. Voilà, voilà, parce que je l'avais stabiloté au rose, mais en fait, c'est, je l'avais trop bien stabiloté, ça avait caché le nom. Ce sont deux frères qui se sont relayés pour doubler Dewey. Enfin voilà, moi j'aime cette série avant tout pour le cast et je revois tous ces épisodes, mais enfin je sais pas, j'ai peut-être chacun des épisodes 3 ou 4 fois. C'est un peu comme un bon vieux Columbo, comme un bon vieux Louis de Funès. Voilà, moi j'aime cette série pour le casting avant tout. Mais vos invités parleront évidemment de la charge sociale plus brillamment que moi. Merci Ali. En tout cas, merci d'être intervenu pour parler de ça dans cette émission, parce que je sais que là, vous goûtez à des vacances bien méritées. et vraiment, ça me fait plaisir de vous avoir entendu. En tout cas, je me régale avec vous. Et bah, tant mieux. À bientôt Ali. À bientôt. Alors, on va continuer de parler, évidemment, de Malcolm, mais pour le moment, on écoute le fameux générique « They might be giants, boss of me ». Yes, no. So I just stare at the stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. C'était They Might Be Giants dans Blockbuster sur France Inter. Malcolm rentre directement après l'école. J'ai promis à la mère de Stevie Kenarvan que tu irais t'amuser avec lui. Quoi? Mais maman! Pourquoi ça te pose un problème d'y aller? Eh ben d'abord, je le connais même pas, Stevie! Sa mère m'a dit que vous avez pris un repas de midi ensemble. Une fois seulement! Il avait garé son fauteuil roulant à côté de moi. J'allais pas lui dire de dégager. Il est même pas dans ma classe. Il est dans celle des têtes d'ampoule à Nalgeco, juste à côté du terrain de sport. Écoutez-moi, jeune homme. Ce déjeuner semble avoir profondément marqué Stevie. C'est un être humain, avec des émotions d'humain. Alors tu vas être copain et stéclopé, et avec le sourire, si ça ne te fait rien. Oui, madame, à vos ordres. En disant oui, maintenant j'évite la leçon de morale. Vous les gosses? Raté. Ça vous paraît normal d'avoir des jambes en bon état de marche? Seulement, vous vous trompez. Il peut vous arriver n'importe quoi, comme une méningite ou un accident de voiture. Je peux vous coller une fessée sans le faire exprès, vous toucher la moelle épinière aussi. La vie est une loterie journalière. Et le premier prix, c'est de pas vous retrouver dans un fauteuil avec juste vos mains pour avancer. Tâchez de ne jamais oublier ça. Moi, je suis contente que mes jambes marchent, maman. Je sais, chérie. Toi, t'es un bon petit. Voilà, c'était un extrait de Malcolm dans lequel vous pouviez entendre les comédiens de doublage Brice Ournac, Marion Gamme, Jean-Louis Faure et également, comme je l'ai dit précédemment, Yann Perrou qui double Dioui. Alors Pablo Mera, je rappelle, vous êtes humoriste et vous avez découvert comme ça Malcolm comme moi, mais ça a été un choc. À quel moment vous datez ça ? On est sur une pause midi en rentrant du collège oui. ou du lycée, on est là, on a un peu faim et on regarde Malcolm et on n'a pas envie de retourner en cours à 13h30 parce qu'on est externe. Non mais j'y repensais, mais c'est marrant parce qu'on entend un extrait où c'est très bien écrit avant tout les répliques, mais moi je suis un dingue de comédie. Alors j'étais pas autant à l'époque où j'ai découvert ça, mais j'adore la technique de la comédie et c'est brillant de technique. Alors on la voit pas parce que c'est la magie de la chose, mais le montage, le rythme, le dialogue, on parlait après de la capacité de jeu de Bryan Cranston, elle est folle. En fait, quand on regarde bien précisément les épisodes, il a des capacités de grimaces et de jeu et un sens du timing qui sont fous. Qui sont, La mère est très très forte aussi. Hein. Elle est très forte. Jane, aussi. Alors je n'ose pas dire. Kazmarek. Voilà, je pense que Romain va dire les noms de tout le monde. Mais alors, est-ce que vous pouvez rester avec moi tout le temps? Parce qu'il y a toujours des noms très compliqués. Bah voilà, parfait, c'est formidable. Vous en êtes bien sorti pour notre Schwarzenegger hier sur Conan. Oui, mais c'est parce que j'ai des années d'expérience. Mais là Kazmarek, je dis là, je la sens pas. Mais pour revenir à la comédie, c'est vraiment bien fait. Et là, moi, à cette époque-là, quand c'est diffusé, début des années 2000, je vois qu'une seule autre série qui peut un peu rivaliser sur cette capacité, c'est Scrubs, qui est un peu écrit pareil, avec des parties un peu très fictionnées, avec des personnages tous plus immatures les uns que les autres. Ils évoluent au sein d'un même épisode, et puis avec les intrigues qui se recoupent et tout ça, mais c'est de la très très bonne comédie, c'est de la bonne cam, c'est de la bonne cam de LOL, j'ai envie de dire. Et il y a aussi une dimension qui, à mon avis, peut-être expliquer le succès de Malcolm, c'est que c'est une famille qui est loin d'être une famille parfaite. C'est-à-dire que là où on est abreuvé de couples qui s'aiment, qui disent à leurs enfants « mais non, ce n'est pas grave, tu vas t'en sortir, maman t'aime, papa t'aime », là, on a des parents qui échouent, qui sont moyens, qui se disent « bon, bah globalement, on va essayer d'aller vers là ». Et entre les deux, il y a une grosse zone de flou. Est-ce que c'est pas un petit peu le côté cathartique de l'émission Il y a ça, mais c'est pas que la famille, parce que je réfléchis aux collègues, aux voisins, et ils ont tous leur tare, leur vice, leurs défauts. Et il y a personne qui est parfaitement lumineux dans la série, qui est une preuve totale de maturité. Oui, mais sur la comédie, justement, moi je pense que tous les personnages passent à la moulinette, de comme le dit Pablo. Ce qui est intéressant aussi dans cette comédie-là, et c'est ça qui peut-être est nouveau, c'est que c'est très cartoonesque en fait. Moi, quand j'avais fait une chronique sur Inter, sur Malcolm pour les 20 ans en janvier, j'ai cherché plein de scènes à diffuser, comme vous avez dû le faire pour l'émission aujourd'hui. Et en fait, toutes les scènes qui me revenaient, en fait, c'était très visuel. Ouais. Et j'arrivais pas à trouver les moments de dialogue. Et pourtant, il y a plein, on l'a entendu encore à l'instant, il y a plein de scènes dialoguées très drôles. Mais en fait, ce qui fonctionne le plus, c'est le visuel et le rythme du coup de la comédie. Et c'est ça peut-être ce que apporte Malcolm dans la sitcom. À ce moment-là, c'est au-delà du fait que c'est tourné, comme le disait Romain, sans public, mais c'est que ça peut se permettre des choses hallucinantes. Et Bryan Cranston, il est vraiment de Tex Avery. Enfin, c'est un personnage de Tex Avery au final. Alors, j'aimerais demander à Juliette Guillot, qui est doctorante en art et histoire de l'art et qui a fait une thèse sur les représentations de la famille dans les séries télévisées américaines contemporaines, en quoi Malcolm se distingue du reste. Bonjour Juliette. Bonjour. Comme ça a déjà été dit plusieurs fois, notamment elle vient donc dépoussiérer les codes de la sitcom. Et puis pour moi, c'est son réalisme en fait, tout simplement. Comme le dit Bryan Cranston, d'ailleurs, le public s'y reconnaît et même si les sujets abordés, par exemple, sont toujours d'actualité aujourd'hui, hein, 20 ans après. Et puis sa tendresse aussi, comme vous l'avez déjà dit, les personnages auront beau se hurler dessus à chaque épisode, à se dresser les uns contre les autres, ben, au final, ils s'aiment tous sans forcément se le dire. Et puis bon, son humour... qui plus est, et puis cette critique acerbe de la société américaine et surtout de l'American Dream. Tout y passe dans la série, le système éducatif, la religion, l'armée, le monde du travail, la société de consommation, et puis c'est surtout ces inégalités sociales qui sont au cœur de chaque épisode. Et c'est cette dimension-là qui vous a donné envie de travailler pour votre thèse sur la série ? Oui, c'est vraiment ça qui fait. Enfin, c'est surtout ce côté inégalité sociale qui n'est pas vraiment abordé dans les autres séries sur lesquelles j'ai travaillé dans ma thèse. Le fait que tous les jours, la famille de Malcolm lutte pour survivre en accumulant des boulots ingrats dans lesquels ils ne s'épanouissent pas. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Oui. En tout cas, au niveau familial. Quelque chose qu'on retrouve, qu'on peut ressentir. Après, il faut produire de la croissance. C'est bien aussi de bosser. Hein, oui. Voilà, une intervention de Pablo Mira. À un moment, il faut bosser. Voilà, ils n'ont pas connu la pandémie. Ah, c'est vrai. Des sacrifices. Boulot, c'est un boulot quand même. Voilà. Malcolm ne va pas aider à relancer le pays. C'est ce que vous êtes en train de dire, Pablo Mira. C'est ça. C'est ça, ouais. Bon, je vous remercie beaucoup, Juliette. De rien. Au revoir. Benoît. Oui, ce qui est intéressant, et c'est dans le titre Malcolm in the Middle, c'est-à-dire qu'en fait c'est la série du milieu, et en fait cette fameuse critique de la société, moi je dirais pas que c'est tant une critique de la société, c'est juste porter un regard avec humour sur une partie de la société américaine qu'on montre peu. Dans les séries familiales, il y avait dans les soaps les grandes familles riches, et donc ceux-là on les voyait dans le genre soap, et dans les séries, dans les sitcoms, il y avait eu déjà en fait des classes moyenne, populaire, montrée. Il y avait All in the Family dans les années 70, il y a eu Roseanne un peu plus tard, donc on les a vus ces familles-là, sauf que la famille qui réunit tout le monde, c'est-à-dire qui est vraiment du milieu, celle où finalement on ne sait pas trop ce qu'il fait le père, il travaille mais dans des bureaux. Mais je crois que même lui ne sait pas voilà, trop. Hein. Des moments on le voit dans des bureaux, après on voit qu'il abandonne un boulot, enfin bon, c'est très perturbant, et en fait, je pense que c'est ça la force de Malcolm in the Middle, c'est de parler au milieu, donc de parler à tout le monde et de décrire en fait ce problème le problème de l'emploi, mais qui peut toucher tout le monde aux États-Unis. Alors, on va faire une petite pause musicale. C'est le moment où la programmatrice musicale de l'émission, Muriel Pérez, vient nous glisser une petite pépite dont elle a le secret. Ah. Et aujourd'hui, c'est Catherine, Angèle et Chili Gonzalez pour duo. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On chante la même mélodie. On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies. Je chante à cette octave, et moi à cette octave. Je chante les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots. Avec moi. Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas le soleil rougeoir. Je joue du synthé pour toi. Je joue de la guitare pour toi. Je joue du piano pour toi. De la flûte pour toi. On joue la même mélodie. On joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terne, qui n'est jamais terne. C'était Catherine, Angèle et Chili Gonzalez pour Duo. En route pour Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist. J'en profite pour vous dire que vous pouvez durant tout cet été évidemment nous laisser des messages sur notre répondeur. Hein. On a vu une petite baisse aujourd'hui. La réalisatrice m'a dit qu'elle était globalement un petit peu déçue. Les auditeurs aussi, hein, on a l'impression quand on écoute le répondeur. Et donc il faut remettre des messages. Donc sur le sujet du jour, je redonne le numéro, c'est le 01 56 40 30 20 sur Malcolm. Je peux vous appeler si vous voulez. Mais faites-le, Benoît. on est là pour donner de l'amour. Partageons de l'amour. Nous sommes toujours avec les journalistes Romain Nivita et Benoît Lagan, ainsi que l'humoriste Pablo Mira. Alors, on a parlé de la représentation des familles dans les sitcoms américains. Et il y a ce casting, à part Bryan Cranston, qui ensuite a fait une carrière incroyable avec Breaking Bad. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu les autres acteurs faire des choses plus importantes, Romain Nivita? Alors c'est vrai que malheureusement on n'a pas vu faire beaucoup de choses. Alors Jane Kazmarek, on l'a vu faire une série judiciaire avec Mark-Paul Gosselaar qui s'appelait Raising the Bar, qui a duré une ou deux saisons je crois. Puis maintenant on la voit faire des guests dans pas mal de séries. Elle joue un coup la belle-mère, un coup la mère. C'est vrai qu'elle a pas eu de rôle récurrent depuis. Les enfants, c'est toujours compliqué de passer du stade d'enfant acteur à acteur adulte. Donc la plupart n'ont pas fait grand chose, hormis Frankie Muniz, qui lui est parti un peu dans tous les sens. Alors pendant Malcolm, comme c'était vraiment une vedette, il a fait des films d'espionnage, Cody Banks. Je crois qu'il y en a eu deux. Après la fin de Malcolm, il s'est lancé dans une carrière dans le stock car, dans les courses de stock car. On l'a ensuite vu revenir notamment faire un guest dans Esprit Criminel où il jouait un serial killer un peu pour changer son image. Et malheureusement, il a eu des gros problèmes de santé qui font que maintenant, il a des problèmes de mémoire. Donc pour un acteur, c'est un peu embêtant. Il a même par moments du mal à se souvenir qu'il a joué dans Malcolm. Donc c'est vous dire un peu la gravité. Mais je pense qu'en effet... Ça arrive même à des politiciens. Regardez François Fillon. Je n'oserais pas aller sur ce terrain-là. Mais non, je pense qu'il y a vraiment la difficulté de passer d'enfant acteur. Alors on sait jamais si vraiment les gamins sont poussés par leurs parents et en fait ils ont très mal vécu ça et derrière ils ont envie de faire carrément autre chose. Rick Persullivan, le petit Douy, il fait on le voit plus. Il vend des churros à la Foire du Trône, je l'ai vu l'été dernier. Non mais il c'était lui. Il bosse peut-être dans le restaurant de son père. Son père, ouais. Un restaurant dans le Midwest, on le voyait dans certains documentaires entre deux saisons de Malcolm, faire le service dans le resto de son père et ça l'éclatait visiblement. Donc peut-être qu'il fait encore ça aujourd'hui. Ce qui est formidable là-dedans, c'est que c'était une vanne de Pablo Mira qui est devenue une véritable anecdote chez Romain. Je pense que je vais tester d'autres vannes pour voir s'il y a une vraie. C'est une anecdote qui... C'est de l'aïkido radiophonique. Le mec... Je me demandais, est-ce qu'en fait, ils ont du mal à trouver d'autres rôles dans des séries ou des films dramatiques ou comiques, parce qu'aussi, l'industrie est compliquée et qu'une fois qu'elle vous enferme dans un rôle, c'est dur de prétendre à autre chose. Pas forcément, ça dépend. Parce qu'on peut aussi, dans la série télé américaine, il y a beaucoup ça, aller chercher un comédien qu'on a aimé dans telle série pour lui faire jouer un rôle un peu en miroir. Dans Malcolm, par exemple, il y avait Béatrice Arthur qui était une grande dame de la sitcom américaine. Elle avait été mode, elle avait joué dans Les Craquantes. Dans Les Craquantes. Et donc, elle vient dans Malcolm faire des guests parce qu'elle représente tout ça. Donc, il est possible que les comédiens, alors moi, j'ai pas suivi leur carrière de près, que effectivement, ils ont sans doute pas fait grand-chose, mais ils peuvent venir faire des guests comme ça dans des séries. Des opportunités pour faire ça. Et puis revenir ensuite, plus tard. Après, quand on regarde dans la télé, à la télé américaine ou dans le cinéma américain, quand je vois par exemple ce qui s'est passé pour les comédiens jeunes de La Petite Maison à la Prairie, effectivement derrière il y a quasiment rien eu pour eux. Il y en a un, Mathieu Laborteau, qui a tenté 2-3 trucs après, et puis c'est tout, parce que effectivement ils sont enfermés là pour les enfants dans des rôles et qu'on a du mal à se les projeter adultes. Et puis bon, la série, elle était en 2000, donc c'est les années 2000-2010. On est qu'en 2020. Peut-être que certains, notamment le plus jeune Douy, je sais pas, on pourra peut-être le revoir dans une série dans la décennie qui arrive. Les mystères de l'amour, peut-être. C'est possible ou pas? J'essaye des choses ambitieuses. C'est pour ça que eux, ils continuent depuis Hélène. Oui, comme ça, au moins, ils ont pas de problème. Ouais, c'est vrai. Alors Malcolm est une série humoristique, mais dans un pays qui a un spectre d'humour qui va des Baudins à des proches, eh ben forcément, Malcolm, il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Eh oui, des raisons de budget, parce que figurez-vous qu'on a cherché un troll, comme on a l'habitude de le faire pour les émissions de Blockbuster, et on n'en a pas trouvé, donc je propose à mes camarades autour de la table de faire cette séquence troll en direct, à la manière de, bah, des chroniqueurs du Masque et la Plume, parce que c'est là-dedans qu'on pioche le plus souvent, et en plus je sais qu'il y en a qui vont être aidés autour de cette table, parce qu'ils en connaissent de près. Voilà, donc un troll de Malcolm. Benoît Logan. Alors, deux choses sur Malcolm qui vraiment, c'est pas possible. Il y a quand même un humour limite par rapport, je veux dire, au personnage racisé, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ce fameux Allemand dans Francis, travaille avec ce fameux Allemand. Il est d'une caricature telle qu'à un moment donné, on pourrait se dire qu'il y a quand même un racisme latent. D'autant plus que le créateur de la série a beau dire qu'il n'a pas donné de nom à la famille pour ne pas qu'on imagine qu'elle était de telle ou telle religion, par exemple. Sauf qu'ils quand même sont tous blancs. Bon, voilà. Donc, on pourrait dire ça. Et puis, l'image de la femme, peut-être aussi. Pablo Mira. Ouais, bah, Benoît me parlait aussi tout à l'heure d'un espèce d'anti-nazisme primaire au sein de la série Malcolm. Je lui laisse, évidemment, la charge de ses propos. Non, il y a des moments quand même où c'est assez mal joué. Et là, moi, mon esprit fonctionne par comparaison. Je regarde, par exemple, la série Kaamelott qui est extrêmement bien jouée. Là, pour le coup, Malcolm, il y a énormément de surjeux. Heureusement qu'il y a les doubleurs. Oui, voilà, pour le coup. Et puis, le format est pas adéquat. C'est poussif. Il y a des longueurs. Malgré ce que je disais tout à l'heure, un montage quand même qui est assez cut, serré et tout ça, il y a des grande longueur, générique de fin, générique de début, la quelque chose de conventionnel en fait, coupure c'est pub avec la question chaque de qui est Loïs. Exactement. Enfin voilà. Exactement. Romain Nigita. Bah écoutez, comme mes camarades, j'ai moi aussi deux griefs. Le premier étant que on l'a dit, Linoud Boomer qui est acteur sur La Petite Maison dans la Prairie, bah, elle a tellement copié La Petite Maison que Malcolm aussi était multidiffusé à outrance sur les chaînes du groupe M6, on n'en peut plus, sur Série Club, sur M6, sur Sister. Ça existe en intégral en DVD en France, quasiment les seuls pays où ça existe en intégral en DVD en France, ça va arriver sur Amazon Prime dans 15 jours, on n'en peut plus. Enfin, moi, ça me saoule autant que de voir la famille Ingalls se casser la figure. Non, elle a tellement pompé, on peut dire pompé, la maison dans la prairie que la famille de Malcolm vit dans une maison. Oui, réfléchissez un peu à la folie du plagiat. Et l'autre grief, mais là je ne comprends pas la dernière saison de la série, je ne comprends pas ce qui est passé dans les prix de Linoud Boomer. Al qui devient trafiquant de drogue pour soigner son cancer, j'ai rien compris. Loïs n'est plus là, ils ont changé les acteurs, c'est très étrange. Et puis en plus, ce côté, cette stigmatisation permanente des enseignants qui se mettraient à vendre de la drogue pour financer leur fin de mois, j'ai envie de dire à Linoud Boomer, ok boomer, bam. Voilà, c'était la minute troll. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà, et alors évidemment, là, j'imagine que les auditeurs ils s'amusent comme ils peuvent, hein. Mais c'est normal. Moi c'est j'avais l'été. 50 minutes encore. Hein, mais oui, 50 minutes. Non, mais en fait, il faut imaginer quand même qu'on sort d'un confinement, on est resté tout seul pendant longtemps, on a besoin de converser. Et, voilà, et il reste 20 minutes d'émission. Donc. Non, mais justement, est-ce que aujourd'hui, on sait que les plateformes ont complètement changé notre rapport aux séries, et donc en termes de production humoristique, comme ça, de rendez-vous pour lequel on peut tous se réunir et parler et échanger. Est-ce que sur les plateformes, désormais, il y a des séries humoristiques qui tirent aussi leur épingle du jeu et qui sont aussi fédératrices que Malcolm a pu l'être? Moi, j'ai l'impression que celle qui fédère, c'est les anciennes. Par exemple, là, il y a H qui vient d'être balancé sur Netflix, là, qui est dans les top tendances des séries les plus regardées là, ces dernières 24-48 heures. Il y a un vrai effet de nostalgie. Je pense aussi à The Office qui a pas mal été regardé. Là, dans les nouvelles séries comiques sur les plateformes, j'en vois pas des masses où on a... En plus, on aurait le même effet de « Ah, t'as vu le dernier épisode, on en parle et tout ça ». Je vois pas, mais les gens en face de moi, visiblement, sont... Non, mais je suis d'accord avec Pablo. Il n'y a pas beaucoup de comédies, je trouve, fédératrices. Parce que moi, je m'arrête sur le mot fédérateur de Malcolm. Les séries, de façon globale, pas que les comédies hein, sur les plateformes. On cherche d'un public cible. Donc, sur Netflix, si on est ado, on a de quoi faire. Hein. Des séries pour ados qui reprennent tous le même concept. Il y en a un paquet. Ensuite, des séries qu'on peut regarder vraiment en famille, non. Et alors, la comédie qu'on peut regarder en famille, c'est très, très compliqué. Et Malcolm est peut-être pas la dernière du genre, mais il y a eu, il y a eu Modern Family qui a prolongé un petit peu après, mais ça reste une série de network, donc de chaîne de télé. Mais voilà, non, très peu, je pense, sur les plateformes. On voit que les plateformes, de toute façon, comme l'a très bien dit Benoît, tentent de faire des choses pour tous les publics. Et quand on fait pour chaque public, bien finalement, il n'y en a aucune qui réunit. Et finalement, quand on regarde dans les tests, ce qu'a dit Netflix, qui ne donne pas souvent des chiffres ou vraiment des éléments de succès, l'une des séries qui, d'après eux, a le mieux marché, c'était quand même la suite de La Fête à la Maison. La Fête à la Maison, ouais. 20 ans après, qui était produit pour Netflix, c'est l'une des séries qui a le mieux marché. Et en effet, on est dans la sitcom vraiment à l'ancienne, façon début des années 90, et c'est ça qui peut éventuellement réunir toute la famille. Mais en effet, on n'a même pas les chiffres en plus. Oui. On sait juste que ça marche mieux. Et c'est l'effet, voilà. Et l'effet nostalgique. Donc les anciens qui retrouvent les personnages d'avant avec leurs enfants viennent partager ce bon moment avec papa et maman. Là, j'arrive plus à comprendre. J'ai pourtant toujours été un bon père pour lui. C'est vrai. C'est moi le gentil. Oui, ça c'est certain. C'est toi la méchante. S'il y a deux mauvais flics, alors le système ne fonctionne plus. Oui, mais moi j'aime pas les flics. Il y en a d'autres d'ailleurs que j'aime pas non plus. Comment ça s'appelle les... Je devais pas être prêt pour Malcolm, je les pense. VRP. Pas encore. Mais il a dépassé les bornes cette fois. Ça ne s'arrangera pas. C'est pas comme si je l'avais pris la clope au bec. Là, je pouvais l'obliger à fumer le paquet. Je déteste aussi les grenouilles de Benitier. Ça, je déteste plus que tout. Malcolm a toujours été différent des autres. Oh, pourquoi il est pas comme ses frères? Reese a voulu me frapper. Francis a voulu me frapper. Ça, je sais comment gérer. Blocage, un petit direct à l'estomac, et voilà, on n'en parle plus. Mais là, il s'agit de mots. Tu sais ce que je déteste plus que tout? Je déteste ces gigantesques fils. Ah, Dieu soit loué. Alors, on vient d'avoir un aperçu des méthodes d'éducation parentale de Hal et Loïs. Et pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, on est vraiment justement dans le contre-exemple total de aujourd'hui comment on doit élever une famille. Et est-ce que c'est quelque chose de courant ou on l'a plus jamais revu dans les séries, ce côté, voilà, faites ce que vous faites, faites n'importe quoi avec vos mômes, c'est drôle. Donc le père dans Malcolm, je trouve qu'il a eu un descendant vraiment spirituel juste après, c'est Phil Dunphy dans Modern Family. Le côté père-enfant, c'est un gamin. Lui, il a envie d'être le pote de ses enfants. Il est toute la vie de la famille est réglée par son épouse. Et on a vraiment ce côté, il est lunaire, Hal. Les épisodes, on le voit faire de la marche sportive ou du roller. Sa tenue flamme quand il fait de la marche sportive. C'est un Brian gamin. Carlson qui parle très très bien le slip. Tout à fait. On lui dira. Les poils aussi. Mais donc, il est extraordinaire pour ce côté. C'est un enfant. C'est comme on l'a dit au début de l'émission, c'est l'enfant supplémentaire de la famille. Et cette tradition-là, moi je pense qu'en effet, on l'a retrouvée par la suite Phil Dunphy, dans le personnage joué par William H. Macy dans Shameless, qui est aussi une grande comédie américaine qui est l'adaptation d'une série anglaise, qui montre les effets de la crise financière aux États-Unis. Donc cette tradition-là perdure un peu. Mais c'est vrai que dans Malcolm, on a ce côté cartoonesque en plus qui fait qu'on garde cette tendresse, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Pablo Mira. On parle de cartoon, moi je trouve que c'est des mécaniques ou des personnages qu'on retrouve aussi pas mal dans l'animation. Là je pense à South Park avec le père de Stan ou le père de Kyle, American Dad, Family Guy, le binôme de Seth MacFarlane, et il y a F4 Family de Bill Burr aussi. J'ai l'impression qu'on c'est un profil de personnage et de mécanique familiale qu'on retrouve dans l'animation pour adultes. Et Homer Simpson évidemment. Oui, évidemment. Benoît Lagaffe. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans Malcolm, c'est que ça vient agréger beaucoup de formes en fait de la série télévisée, parce qu'en réalité on citait tout à l'heure que juste avant Malcolm dans la sitcom, donc il y avait Friends, Seinfeld. Voilà. Mais juste avant, si on va encore avant, c'était quoi? C'était Kind of Doctor, c'était Madame est servie. C'était donc des séries qui montraient une famille où finalement, même si c'était parfois un petit peu déhanté, bourgeoises. C'était des familles classe moyenne aisées, on va dire. Des bourgeois. Mais au-delà de ça, c'était surtout des familles qui tentaient de gérer un petit peu leurs enfants comme ils pouvaient. Et globalement, ils s'en sortaient plutôt bien. Voilà. Et sauf que ça, avec ces sitcoms-là, on arrive à la fin d'une certaine représentation de la famille dans les séries américaines de façon globale. Donc, les amis prennent la place, c'est Friends, ce que vient réinjecter Malcolm, c'est finalement cette famille, mais traité comme les Simpsons ou avec un petit peu marié deux enfants. C'est tout ça en fait. Et donc ça invente tellement Malcolm. Qu'après, effectivement, je pense que c'est difficile d'aller de réinventer cette forme. Et je pense que c'est pour ça que après, on en vient à d'autres types de séries d'humour où on va peut-être à nouveau dans des univers professionnels comme Brooklyn Nine-Nine et qu'on oublie à nouveau la famille. Et alors, il y a aussi cette idée qu'on ne sait pas où l'action se situe, parce que dans Malcolm, c'est jamais vraiment précisé. On ne sait pas dans quel état, on ne sait pas dans quelle ville il vit. C'est à Beson, dans le 92. Il y a notamment un café qu'on voit dans un épisode et je me suis dit, mais j'ai déjà mangé. De bonnes sources. Et également, le nom de famille de Malcolm, quel est-il? Je crois qu'il est cité une ou deux fois, c'est Wilkerton. Oui. Mais on l'entend quasiment jamais. Oui. C'est vrai que c'est pas comme les Simpsons, les Griffins, la série s'appelle pas les Wilkerton. Mais en effet, ça participe de cette identification. On ne sait pas où ça se passe. On pourrait même dire, on ne sait pas à quelle époque ça se passe. Quand on revoit les épisodes aujourd'hui, de toute façon, il y a pas de téléphone portable, il y a pas d'internet, etc. Mais ça n'est pas important dans les intrigues. Les costumes sont quasiment passe-partout. C'est pas aussi démodé que des costumes des années 70 ou 80. Donc c'est très peu identifiable, même si voilà. Et c'est pour ça aussi que la série fonctionne encore. Il y a un Nokia 3310 à un moment. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai remarqué dans un double épisode. À vous de chercher. Oui, mais ça, c'est le budget de la famille qui fait que même aujourd'hui, ils ont un téléphone. Le pire, c'est que ça. Voilà. Va, c'est donc c'est pour ça qu'on peut dire, ils ont pas des jouets à la mode, ils ont pas des vêtements à la mode, c'est parce qu'ils sont pas très fortunés. Et c'est aussi pour ça que la série peut se revoir aussi facilement de nos jours et qu'on se dit pas, bon, c'est quoi cette vieillerie? Mais c'est exactement la mécanique inversée des Simpsons. Ils s'appellent les Simpsons, mais ils ne vieillissent jamais et on peut tout leur faire faire. Là, c'est l'inverse. Ils ont pas de nom, du coup, on peut se projeter complètement chez eux. Alors effectivement, ils sont cités, je crois, dans le pilote, le fameux nom que j'ai pas retenu. Mais... voilà, merci Romain. Et à la toute fin Wilkerton de la série. Wilkerson. Ah, peut-être Corson. Peut-être Corson. C'est la prononciation dans le sud des États-Unis, ouais. Peut-être. Et c'est dit juste dans le premier épisode. Et à la fin, il y a quand même écrit No Last Name. Je crois que c'est leur nom, en fait, hein, qui est cité à la toute fin. Donc, en gros, ils n'ont pas de nom. Et c'est tant mieux. Et puis, effectivement, c'est cette Amérique du milieu qu'on ne montre pas. Donc, pourquoi les nommer, en fait? De toute façon, des gens sans nom, on en connaît même en France. Hein. Moi, je travaille avec Nagui. Voilà. Wilkerton. Voilà, Beyoncé, là, bref, ça arrive. Il y avait Fabrice aussi à une époque. Alors, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter Billie Eilish avec Hello Milo. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another. C'était Hello Milo de Billie Eilish et maintenant on joue. Attention qui vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Cédric Françoise au téléphone. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors, première question, est-ce que vous étiez fan de Malcolm? Alors oui, quand même, comme tout le monde, c'est quelque chose que je regardais dans les années 2000, avec la multi-rediffusion d'M6, donc c'est une série qu'on prend toujours de plaisir à regarder 3, 4, 5, 6 fois, donc je pense connaître assez bien la série. Très bien, très bien, parce que ça va jouer là, ça va jouer, ça va jouer. Alors vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono, en même temps vous pouvez mettre plus, on compte pas vraiment. Si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix, parce que vous l'avez compris, en général, les gens repartent quand même gagnants de cette émission. C'est parti. Quel est le nom de famille de Malcolm? Alors, c'est No Last Name, je pense. Oui, mais on a quand même donné un nom. Ouais. Et je l'ai fait répéter plusieurs fois, justement, parce que je savais que vous arriviez. Alors, ce nom-là, si je l'ai bien retenu, c'est Wilterton. Oui. Alors, logiquement, il y avait une lettre qui était bonne sur 17. Voilà, moi, ça passe, j'avais Wilkerson, mais étant donné que Romain Nigita a souvent dit Wilkerton, ça passe. Voilà, vous l'avez bien écouté. Question suivante. Combien y a-t-il de saisons de Malcolm? Alors, 4 saisons, 7 saisons ou 9 saisons? Alors, je pense que je l'ai, c'est 7 saisons. Bravo. C'est une bonne réponse. Non, ouais, d'accord, c'est transformé en fait foraine. Ok, d'accord. Okay. Ce truc, les cheveux dans le vent, le vent dans le cheveu. Ah, ouais, on répond aux questions. Formidable, formidable, la Mazda est très bien. Ah bah oui, je suis fatigué. Allez, dernière question. Comment s'appelle le personnage que vous allez entendre? C'est toi, Malcolm? Oui, j'ai rien fait du tout. On ne te reproche rien, Malcolm. Si tu es là, c'est parce que certains de tes profs... Comment dire... Enfin, j'aimerais te faire passer une petite série de tests. Rien de terrible, tu verras. Je vois c'est quel personnage, mais je connais pas son nom, alors je vais peut-être prendre un joker. Oui. Alors, à qui vous voulez-vous faire appel? Romain Nigita? Ouais. Pablo Mira? Benoît Lagan? Alors, Benoît Lagan. Benoît Lagan. J'ai envie de dire cher. Alors. Moi, je peux prendre le joker Romain Nigita. On va le repasser. Parce que pour moi, c'est un extrait de The Sentinel. Mais bon, après. Comment s'appelle le personnage que l'on a entendu? C'est toi, Malcolm? Oui, j'ai rien fait du tout. On ne te reproche rien, Malcolm. Si tu es là, c'est parce que certains de tes profs. Comment dire? Enfin, j'aimerais te faire passer une petite série de tests. Rien de terrible, tu verras. Alors, Benoît? Mais j'hésitais entre la psy et l'institutrice, mais je pense que c'est l'institutrice. Ah, c'est possible. Et la réponse est? Bon, l'institutrice, on va dire l'institutrice. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Allez, bien, c'était le garagiste. Son nom. Alors, il s'arrête là. Ah, bah oui, j'ai pas son nom, moi. Aïe, bon, allez, hop, c'est accepté, il l'a dit, voilà. Ah, d'accord, je vais sur un coup de donne de la le papier pour qu'il lise la réponse. Okay. Et... Moi, je voulais. Moi, je pensais qu'on c'était cherchait Malcolm, Caroline, Malcolm, c'était l'institutrice Caroline Miller, interprétée par Caroline Lloyd Burns et doublée par Kelvin Dumour, qui double également Harley Quinn dans la série animée Batman. Et en même temps, c'est rassurant que Cédric ne connaisse pas la réponse à cette question-là. Oui. Bon, ne vous inquiétez pas, Cédric Françoise, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster parce que je suis comme ça. Voilà. Et qui sortira au mois d'octobre, on vous l'enverra à ce moment-là. Voilà, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ah ben, je suis super ravi, merci en tout cas. Oh ben, de rien, c'est juste Benoît Lagac qui sait pas lire les réponses. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci à tous et à toutes. Merci Romain Nigita, Benoît Lagan, Pablo Mira, Juliette Guillot et Ali Rebéi. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un petit conseil d'une série marrante à regarder? Benoît Lagan? Moi, je pense, parce qu'il faut soutenir aussi les séries françaises, sur la plateforme France.tv, donc c'est gratuit, c'est accessible, il y a une série sur le Parlement européen qui est assez géniale, qui s'appelle Parlement, avec Xavier Lacaille dans le rôle de cet assistant parlementaire, et c'est extrêmement drôle. Très bien, Pablo Mira? Faut soutenir les séries françaises, donc South Park, de Trey Parker et Matt Stone, c'est un chef-d'œuvre de satire, et ils en sont à 24 ou 25 saisons, et c'est toujours drôle. Et ils auront droit à leur blockbuster, merci. Romain Nigita. Et moi, je vous conseille, ça va arriver d'ici une dizaine de jours sur Canal Plus série, ça s'appelle Documentary Now, et ce sont des parodies de documentaires faites par des anciens du Saturday Night Live, qui à chaque fois parodient un genre différent de documentaire à chaque épisode, présenté par Hélène Mirren. Eh ben c'est parfait. Voilà, merci à vous tous. Céline Hila a réalisé cette émission. Merci à elle. Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Comble l'ont préparé, aidé par Tom Malky, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, le merveilleux Fabrice Desmaz. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Papa, je veux apprendre à patiner. Tu ne pourras plus faire marche arrière une fois que tu auras commencé. Oui, je sais. Il faudra t'impliquer complètement, fils. Quand on prend ce chemin-là, on est obligé d'aller jusqu'au bout.